بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc je vais expliquer aux frères qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, parce que vendredi passé je vous avais mentionné que je faisais le charh de Kitab al-Tawhid de Cheikh Ibn Baz, et qu'on allait terminer, salam alaykum wa rahmatullah, qu'on allait arrêter le charh de Cheikh Ibn Baz pour un charh qui est plus élaboré. Et donc maintenant j'ai pensé à continuer le charh de Kitab al-Tawhid que j'avais commencé à Makkah l'année passée quand j'étais allé pour la Umrah. On a commencé avec les frères là-bas qui sont venus pour la Umrah un charh de Kitab al-Tawhid qui s'appelle Qurrat Uyun al-Muwahhidin. Qurrat Uyun al-Muwahhidin, c'est un charh de Kitab al-Tawhid écrit par le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Son nom c'est Abdurrahman ibn Hassan ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et ce charh s'intitule Qurrat Uyun al-Muwahhidin. C'est un charh assez résumé. Et Cheikh Al-Fawzan, il a fait un commentaire, ta'liq, du livre Qurrat Uyun al-Muwahhidin. Donc c'est le ta'liq du charh de Qurrat Uyun al-Muwahhidin, du charh de Kitab al-Tawhid, d'accord? Donc c'est comme un charh d'un charh, d'accord? Donc on était dans le premier chapitre encore, on n'a pas fini le premier chapitre. Et j'ai ramené une copie de Qurrat Uyun al-Muwahhidin. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc ça c'est Qurrat Uyun al-Muwahhidin. Donc pour vous montrer où est-ce qu'on est rendu, on est toujours dans le premier chapitre, hein, de Kitab al-Tawhid. Et dans le ta'liq de Cheikh al-Fawzan, donc ça c'est le ta'liq de Cheikh al-Fawzan de Qurrat Uyun al-Muwahhidin, encore plus au début, parce que le livre il est assez volumineux, il fait presque 800 pages. Est-ce qu'on va pouvoir le terminer ou le compléter au complet? Il fait presque plus que ça, même presque 900 pages, presque 950 pages. Donc est-ce qu'on va le finir un jour, peut-être, Inch'Allah, si Allah nous permet, pourquoi pas. Mais on va y aller doucement. On va faire un cours par semaine, Inch'Allah. Le temps que ça nous prend, c'est pas grave. Même si ça nous prend 5 ans pour le finir, ou moins ou plus, ça dépend. Donc l'important c'est qu'on apprenne petit à petit, puis qu'on comprenne le tawhid, qu'on avance dans le livre au fur et à mesure, Inch'Allah. Donc pour vous remettre dans le contexte de Kitab al-Tawhid, qu'est-ce qu'on était en train d'expliquer au dernier cours, dans la série des cours, elle n'est pas encore sur le site, mais je les ai mis sur le serveur. Le frère qui est responsable du site, il va mettre les cinq premiers cours sur le site bientôt, Inch'Allah. Donc vous allez pouvoir écouter les cours 1 à 5 et vous rattraper. Donc on est rendu maintenant au cours numéro 6 et on explique la partie dans le charh où le cheikh dit قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. Donc ça c'est après le verset وقضى ربك. Oui c'est ça, c'est le verset وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. C'est l'énumération des dix choses que Allah a interdites, et c'est le verset 23 dans sourate al-Isra qui débute, hein, les choses que Allah mentionne dans cette énumération-là commencent par l'ordre d'adorer Allah seul et de n'adorer que lui, rien d'autre que lui, et la bonté envers les parents. وَقَدَرَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et on va lire maintenant les commentaires de Cheikh Abdurrahman, hein, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit, après avoir mentionné le verset وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est ça qu'on a expliqué au dernier cours, que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son messager, si tu commettais le shirk, Allah aurait rendu toutes tes œuvres vaines. Et c'est ça ce qui a été révélé à toi et à ceux qui ont été envoyés avant toi, que quiconque fait le shirk, ses œuvres seront annulées, ses œuvres seront vaines. C'est comme si tout ce qu'il a fait comme bonne action, ça va être complètement détruit, ça va être rendu en poussière, il n'en aura aucun profit. Puis après il dit فَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولُ يُفِيدُ الْحَصْرُ أي بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَحْدَهُ لَا غَيْرَهُ. Parce que la suite du verset بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Mais plutôt Allah, hein, plutôt c'est Allah que tu dois adorer, lui seul et personne d'autre que lui, et sois du nombre des reconnaissants. Tu étais occupé, tu lisais le Coran. Non, بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَحْدَهُ لَا غَيْرَهُ كَمَا فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. D'accord, donc dans la Fatiha du livre, il y a la même chose. بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ. Il dit تَقْدِيمَ الْمَعْمُولِ. تَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ, c'est-à-dire on a mis le sujet ou on a mis l'objet avant le verbe. بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ. Donc c'est l'objet qui est mentionné avant le verbe, ça implique une restriction. Ça veut dire que c'est une adoration qui doit être exclusive à Allah. C'est comme si Allah disait adore Allah seul, personne d'autre que lui. Hein? Comme quand il dit إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Ça veut dire c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul à qui nous demandons de l'aide. C'est pas comme si Allah aurait dit na'buduka wa nasta'inuk. Na'buduka wa nasta'inuk, on t'adore et on te demande l'aide. Mais le fait d'avoir mis iyyaka avant, ça donne le sens de al-hasr, la restriction. Ça veut dire c'est toi seul que nous adorons, personne d'autre. Et c'est toi seul à qui nous demandons de l'aide et à personne d'autre que toi. C'est ça la distinction. Hein? Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, à ce sujet-là, فَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَهُوَ الْمَنْصُوبُ بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ. Il dit, بَلِ اللَّهَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْفِعْلِ فَعْبُدْ مِنْ بَابَ الْحَصْرِ وَالْأَصْلُ فِيهِ فَعْبُدِ اللَّهِ فَعْبُدِ اللَّهِ مِثْلُ وَذَلِكَ مِثْلُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ أَصْلُهُ نَعْبُدُكَ فَقَدَّمَ الْمَعْمُولُ لِيُفِيدَ الْحَصْرِ أي حصر العبادة لله عز وجل ونفيها عما عداه فقوله بل الله فاعبد أي لا تعبد غيره وقوله إياك نعبد أي لا نعبد سواك. Donc il explique que le fait d'avoir mis l'objet avant le verbe, hein, parce qu'en général l'objet vient après le verbe, hein, mais là il le met avant, ça donne le sens de l'exclusivité. Et il explique pourquoi. Il dit, pourquoi on dit Balillaha fa'bud ici, c'est pourquoi il est mansoub. Il est mansoub à cause du verbe fa'bud qui est mentionné après. Hein? Et il dit qu'à l'origine, ça devait être fa'budillah. Fa'budillah. Adore Allah. Hein? Mais il dit, non, Allah adore. Dans le sens de Allah seul adore. Tu dois adorer personne d'autre que lui. Comme quand il dit Iyaka na'bud au lieu de na'buduka, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de mettre l'objet après le verbe, pardon, avant le verbe, ça donne le sens de al-hasr. C'est pour dire que tu dois limiter l'adoration à Allah seul et la nier à tout ce qui est en dehors d'Allah. Et refuser l'adoration à tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que les hommes adorent en dehors d'Allah, peu importe qu'est-ce que ça peut être, que ce soit le soleil ou la lune, ou les anges, ou les djinns, ou les arbres, ou les pierres, ou les statues, ou les idoles, ou les djinns, ou peu importe. Qu'est-ce que les hommes adorent en dehors d'Allah, tu le rejettes. Et c'est Allah seul à qui tu voues ton adoration. Et il dit, yani balillaha fa'bud, la ta'bud ghayra. C'est comme s'il disait, n'adore personne autre que lui. Et quand il dit, iyaka na'bud, c'est comme s'il disait, n'adore personne d'autre que lui. Personne d'autre en dehors de lui. Et le shaykh, il explique ensuite, il dit, wa qarrara ta'ala, shaykh Abdurrahman, rahimahullah, il dit, wa qarrara ta'ala, hadha at-tawhid bi qawlihi, قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين والدين هو العبادة بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. Donc le cheikh il dit que Cheikh Abdurrahman il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a confirmé le tawhid par sa parole, le verset 11 dans sourate Az-Zumar, lorsqu'il dit, dis ô Muhammad, il dit, ô Muhammad, dis aux hommes, dis aux mushrikines, j'ai été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, en purifiant pour lui ma religion, c'est-à-dire en purifiant pour lui mon adoration. Parce qu'il dit que ad-din ou al-ibada, quand Allah il dit de purifier pour lui ad-din, ça veut dire de purifier pour lui al-ibada. Al-ibada, c'est l'adoration. Tout ce que tu fais pour Allah comme adoration, en faisant ce qu'il t'ordonne et en délaissant ce qu'il t'a interdit de faire. Et Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce verset. Il dit, « قُلْ يَا مُحَمَّدْ لِلنَّاسِ إِنِّي أُمِرْتُ أَيْ أَمَرَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه هذا إعلان أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان براءته من عبادة المشركين وأنه يعبد الله وحده لا شريك له هذا دينه وهذه ملته. Donc le cheikh il explique le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis ô Muhammad aux hommes, j'ai été ordonné, c'est-à-dire Allah m'a ordonné, dis ô Muhammad, j'ai été ordonné d'adorer Allah en lui purifiant ma religion, c'est-à-dire en purifiant pour lui mon adoration, et j'ai été ordonné d'être le premier à se soumettre, d'être le premier parmi ceux qui se soumettent, le premier des musulmans. Dis, je crains, certes, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour immense. Dis, c'est Allah que j'adore en purifiant pour lui ma religion, mon adoration. Alors, adorez qui d'autre, adorez qui vous voulez en dehors de lui. Adorez qui vous voulez en dehors de lui. Ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, adorez qui vous voulez en dehors de lui, c'est-à-dire, si vous voulez adorer la fausseté et le mensonge, donc adorez ce que vous voulez en dehors de lui. C'est pas un ordre aux hommes d'adorer ce qu'ils veulent, non. C'est une menace. Que s'ils adorent autre que Allah, eh bien ils adorent le faux. Donc s'ils veulent adorer le faux, alors qu'ils le fassent, mais qu'ils sachent qu'il y aura des conséquences à ça. Et le cheikh il explique, cheikh Abdurrahman ensuite, il dit, كما والدين والدين هو العبادة بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. La religion, c'est l'adoration. C'est faire ce que Allah a ordonné et de délaisser ce qu'il a interdit. Cheikh Al-Fawzan, il commente là-dessus, il dit, كما في قوله تعالى أن أعبد الله مخلصا له الدين. أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فسمى الدين عبادة وسمى العبادة دينا وسمى الدعاء دينا فادعوا الله مخلصين له الدين وسماه عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي بعد أمره سبحانه بدعائه وحده لا شريك له في أول الآية قال قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Donc le cheikh il dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit j'ai été ordonné de purifier pour lui ma religion. Il dit il a appelé la religion adoration. Sammadina ibada. Il a appelé la religion adoration, comme il a appelé l'adoration religion. Et il a appelé aussi le dua religion aussi. Lorsqu'il mentionne dans le verset 14 dans Surah Ghafir, alors invoquez Allah, invoquez Allah en lui vouant un culte pur, en purifiant pour lui votre religion. Donc ça veut dire que le dua, fad'ullah, l'invocation, c'est Allah l'a appelé religion. Il a appelé la religion dua, il a appelé l'adoration dua. Il a appelé l'adoration dua. Dans le verset 60 dans Surah Ghafir, et ceux qui s'enflent d'orgueil de mon adoration, de m'adorer. Parce que Allah il dit dans le verset wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Donc dans au début du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qala rabbukum ud'uni, et votre Seigneur a dit invoquez-moi. Donc il utilise le verbe ud'uni min ad-du'a, l'ordre de faire des du'a, de faire des invocations. Donc il dit ud'uni astajib lakum, je vais vous exaucer, je vais vous répondre. Et après il dit innal ladhina yastakbiruna an 'ibadati, ceux qui s'enflent d'orgueil de mon adoration. Ça c'est la preuve que le du'a fait partie de l'adoration. Parce que au début du verset, il ordonne de l'adorer en faisant des du'as, il dit adorez-moi, faites des du'as. Puis après, il dit ceux qui s'enflent d'orgueil de mon adoration, c'est-à-dire ceux qui s'enflent d'orgueil de l'adoration, ça veut dire que le du'a c'est une adoration et que ça rentre dans l'adoration et ça rentre dans la religion. Ensuite, le cheikh il dit kama qala al-allamah ibn al-qayyim. Le cheikh Abd al-Rahman il cite maintenant une parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans son poème An-Nuniyah. Il dit wal-amru wan-nahyu والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. Et son ordre et son... Donc Ibn al-Qayyim il dit dans son poème et l'ordre et l'interdiction qui est sa religion et sa rétribution sera au jour de la résurrection, la deuxième résurrection, c'est-à-dire après la mort. Le cheikh il explique ça, il dit والأمر والنهي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وكذلك الأمر بطاعة الله والنهي عن المعاصي هذا هو دين الله عز وجل أمر ونهي جزاؤه يوم المعاد الثاني يعني يجازي أهل العبادة والتوحيد بالجنة ويجازي أهل الشرك بالنار. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique dans le poème de l'imam Ibn al-Qayyim l'ordre et l'interdiction, c'est quoi? C'est l'ordre d'appliquer le tawhid et l'interdiction de faire du shirk. Ça c'est le plus important dans la religion. Donc tu peux résumer la religion à l'ordre et l'interdiction. Tu peux dire la religion c'est quoi? C'est des ordres et des interdictions. Le plus important de tous les ordres c'est le tawhid, et le plus important des interdictions, c'est le plus grave de tous les péchés, c'est le shirk. Donc la plus grande interdiction c'est le shirk. Et on peut également inclure dans ça l'obéissance de façon générale à Allah subhanahu wa ta'ala et l'interdiction de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la religion d'Allah, c'est ça l'islam. Et il dit c'est un ordre et une interdiction et la rétribution de ça au jour de la résurrection, que Allah subhanahu wa ta'ala va rétribuer au jour de la résurrection les gens de l'adoration et du tawhid par le paradis, et il va rétribuer les gens du shirk par l'enfer. Il dit ensuite Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan il dit wa taqaddama an aslahu wa asasahu huwa tawhid al-ibadah fala taghfal amma taqaddam. Et il dit qu'on a expliqué auparavant que la base et le fondement de la religion, c'est le tawhid dans l'adoration. Alors, ne sois pas insouciant vis-à-vis de ce que nous avons mentionné précédemment. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Le Cheikh Al-Fawzan, il l'explique, il dit Aslu ad-din tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya, wa huwa ifrad Allah bil-ibada. Amma tawhid al-rububiyya fala yakfi, لأن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فلم ينفعهم ذلك لما كانوا يشركون في العبادة. Le Cheikh il dit que la base de la religion, c'est le tawhid dans l'adoration, l'unicité d'Allah, et d'unifier Allah dans notre adoration qu'on fait et de n'offrir notre adoration qu'à lui. C'est ça le tawhid qu'on appelle tawhid al-ibada, une des trois catégories parmi les catégories du tawhid. On l'appelle aussi tawhid al-uluhiyya. Et il dit que ça c'est de rendre notre adoration pour Allah exclusive. C'est-à-dire que tu vas adorer seulement Allah et personne autre que lui. Il dit en ce qui concerne l'autre catégorie du tawhid, qui est le tawhid dans la rububiyya, c'est-à-dire la souveraineté ou la seigneurie d'Allah, de reconnaître que Allah c'est le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui fait vivre et qui fait mourir, et le seul qui contrôle tout dans l'univers. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle ar-rububiyya, tawhid ar-rububiyya, l'unification d'Allah dans ses actes et dans ce que Allah fait dans sa création. Ça c'est la rububiyya. Et ça c'est pas suffisant pour que quelqu'un soit musulman de reconnaître cette catégorie de tawhid tout seul. Si quelqu'un il dit oui, je reconnais qu'il y a un Dieu tout puissant et que c'est lui qui est maître de toutes choses et c'est lui qui a tout créé et c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir et c'est lui qui donne à chaque chose sa subsistance, il dit ça et qu'il fait en même temps du shirk, ça lui sert à rien de reconnaître ça. Si il croit, il dit oui, je crois qu'il y a un Dieu unique, hein, je crois que c'est lui qui est le maître de toutes choses, puis il prie à Jésus ou à Marie, ou il dit non, je ne crois pas au Coran ou au prophète ou au messager. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien pour lui de reconnaître que Allah existe, parce qu'il fait du shirk. Il affirme son existence, mais il ne respecte pas ce que ça implique. Et qu'est-ce que ça implique de reconnaître que Allah est le seul maître et le seul créateur? Ça implique que c'est lui seul que tu dois adorer. Donc si tu reconnais qu'il est le seul créateur et le seul maître, et que tu, malgré ça, tu adores autre que lui, eh bien ça veut dire que tu te contredis toi-même. Hein? Tu affirmes quelque chose, puis après tu détruis ce que tu as affirmé en faisant le contraire de ce que ça implique. C'est-à-dire en adorant d'autre que lui, et ça c'est une contradiction inacceptable. Et donc le Cheikh il dit, même les mouchriquines de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils acceptaient que Allah existe et que Allah est le Dieu unique. Et ça ne leur a pas profité. Et ça ne leur a servi à rien. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient quand même eux-mêmes du shirk dans l'adoration. Ils adoraient des idoles. Hein? Ils adoraient autre que Allah. Donc le fait d'avoir dit oui, Allah est le seul créateur, le seul maître, c'est lui le qui donne la subsistance et tout, ça ne leur a pas suffi. Ça ne leur a pas été d'aucun bienfait parce que ils commettaient du shirk malgré tout. Le Cheikh il dit ensuite wa qawluhu, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit wa qawluhu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا أي حرم عليكم الشرك الذي نهاكم عنه ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا فالشرك أعظم ذنب عصي الله به أكبره أعظم ذنب عصي الله به أكبره وأصغره. On va expliquer maintenant qu'est-ce qu'il a mentionné. Le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité également comme preuve par rapport à l'importance du tawhid le verset dans Surat Al-An'am, قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تعبدوا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 151 dans sourate Al-An'am, dit au Muhammad, aux hommes, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Et il a commencé à énumérer les choses. Il a dit que vous n'associez rien avec lui, vous ne faites pas de shirk avec lui, vous n'associez quoi que ce soit avec lui, et de faire preuve de bonté envers les parents. Puis il a mentionné les autres choses. C'est ici qu'on appelle al-wasay al-ashra. Hein? Les 10 commandements sont mentionnés dans ce verset-là. Le verset 151 dans surat al-an'am. Et dans les versets qui suivent, il y a le reste des exemples qui sont mentionnés. Donc il dit ici, ay harrama alaykum shirk alladhi nahakum anhu. Hein? Il vous a interdit le shirk. Hein? Il vous a interdit le shirk. Et il dit, il vous l'a interdit en disant que vous ne fassiez aucune forme de shirk avec lui. Et il dit que le shirk, c'est le plus grand péché par lequel on peut désobéir à Allah. Hein? Il n'y a pas plus grand que ce péché-là. Il dit, لَمَّا ذَكَرَ شَيْخَ الْفَوْزَانِ il explique le verset. Il dit وَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ تَخَرُّصَاتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَخَوْضِهِمْ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامُ أَنَّهُمْ حَرَّمُوا أَشْيَاءَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاسْتَبَاحُوا أَشْيَاءَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فَاسْتَبَاحُوا الْمَيْتَةَ وَأَكَلُوهَا وَحَرَّمُوا أَنْوَاعًا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَحَرَّمُوا شَيْئًا مِنَ الزُّرُوعِ قَالَ تَعَالَى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر يعني ممنوعة ومحرمة وهذا تحريم من عند أنفسهم لم يشرعه الله عز وجل لا يطعمها إلا من نشاء لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها لا يركبونها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها يذبحونها للأصنام والأحجار والأشجار فلما خاضوا في هذا الأمر وحرموا وحللوا من عند أنفسهم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أقبلوا وهلموا إلي أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقرأ ما حرم ربكم عليكم من كتاب الله وليس من الأهواء والتخرصات ولا من تقليد الآباء والأجداد من غير دليل. Donc on va expliquer ce qu'on vient de traduire maintenant. Le Cheikh il cite, ou bien il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné dans sourate Al-An'am les actions des gens de la jahiliya et leur discussion au sujet du halal et du haram et du fait qu'ils ont rendu des choses halal et des choses ils les ont interdites en se basant uniquement sur leur passion. Hein? Ils ont permis des choses interdites et ils ont interdit des choses permises. Et par exemple, ils ont rendu licite la nourriture, comme si la viande morte, hein, la viande morte, ils l'ont rendue permise. Et ils ont interdit certaines catégories des bestiaux, hein, des animaux, des bétail. Et ils ont aussi interdit des récoltes, hein, de l'agriculture, des choses comme ça, certaines catégories. Donc tout ça en se basant uniquement sur leur passion et leur désir, sans aucune preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il fait allusion à ça dans le verset 38 dans sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne les actions, les croyances et les pratiques des mushrikines vis-à-vis des animaux et de la récolte. Donc il cite, le cheikh il a cité ce verset-là. Il dit, voilà des bestiaux, hein, et des champs frappés d'interdiction. C'est-à-dire, ils interdisent certaines sortes d'animaux, hein, de les manger, et ils interdisent aussi des récoltes, hein, certaines récoltes des champs, hein, ils interdisent qu'on en mange. Ils disent, voilà des bestiaux et des champs frappés d'interdiction, n'en mangeront que ce que nous voudrons, hein, selon leurs prétentions. Et voilà les bêtes dont le dos est interdit, est tabou. Hein. On n'a pas le droit de monter dessus. Et d'autres animaux, des bêtes, sur lesquelles ils ne mentionnent pas le nom d'Allah. C'est-à-dire, ils les sacrifient pour leurs idoles, et pour les pierres et les arbres. Hein. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin du verset, des inventions contre lui, c'est-à-dire contre Allah. Il les rétribua pour ce qu'ils inventaient comme mensonges. Hein? Et on avait mentionné dans les cours précédents, le cheikh il avait cité tous les exemples des différents animaux et des bêtes, qu'est-ce qu'ils ont interdit de ça, sans aucune preuve, et ainsi de suite, pour montrer la fausseté de leur pratique. Et puis, le cheikh il dit ensuite, donc comme ces gens-là, ils ont commencé à vouloir disputer au sujet de l'ordre d'Allah et de rendre halal et de rendre haram les choses selon leur passion et de par eux-mêmes sans preuve venant d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son messager, dit au Muhammad, hein, venez, hein, approchez-vous, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. C'est-à-dire, je vais lire pour vous ce que votre Seigneur, hein, vous a interdit dans le livre, hein, dans le livre d'Allah. Et c'est-à-dire, et non pas selon vos passions et vos devinettes, hein, ou ce que vous pensez, ou selon les coutumes de vos ancêtres et de vos pères, sans aucune preuve venant d'Allah. Il dit, « ثم بدأ بالشرك أن لا تشركوا به شيئا وهذا هو أعظم المحرمات بدأ به عز وجل وفي ضمنه الأمر بالتوحيد وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وهذا حق الله عز وجل وبالوالدين إحسانا وهذا هو الحق الثاني كما في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فذكر في هذه الآيات الثلاث عشر وصايا أولها الوصية بعبادة الله وترك عبادة ما سواه وآخرها الأمر باتباع الصراط المستقيم. Donc le cheikh il dit, puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à énumérer les choses qu'il a interdite. Et il a commencé par le fait de mentionner qu'on ne doit associer rien avec lui et on ne doit pas faire aucune forme de shirk, parce que ça c'est le plus grand de tous les interdits. Et il a donc débuté par cette interdiction-là. Et ça implique en même temps l'ordre du tawhid, l'ordre d'adorer Allah seul et de rendre notre adoration exclusive pour lui, parce que ça c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a mentionné le deuxième droit, c'est le droit des parents, et Allah il dit dans ce verset à la suite wa bil walidayni ihsana, c'est-à-dire de faire preuve de bonté envers les parents, hein? Et il dit de même que il dit dans l'autre verset dans sourate al-Isra le verset 23, et ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez excepté personne excepté lui, et la bonté envers les parents. Donc on voit la relation entre les deux versets. Il a qawlihi azza wa jal wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, et dans le verset, jusqu'à ce qu'il dise dans le verset, et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le, hein, à la fin des versets dans surat al-an'am. Hein, il mentionne, et voilà mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Hein, et donc, ça, il mentionne ici les versets dans ces trois versets, les 10 commandements dont le premier est l'ordre d'adorer Allah et d'adorer, d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors de lui, et le dernier, l'ordre de suivre le droit chemin. D'accord ? Et ensuite, il dit donc le cheikh, فالشرك أعظم ذنب عصي الله به أكبره وأصغره. Il dit ici أعظم الذنوب وأكبرها وأخطرها الشرك ولذلك لا يغفره الله عز وجل. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما بقية الذنوب التي هي غير الشرك فهي تحت المشيئة إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها. Donc le cheikh dit le plus grand de tous les péchés et le plus dangereux de tous les péchés, c'est le shirk. Et c'est pour ça que Allah ne va pas le pardonner. Celui qui meurt sur le shirk, il n'est pas pardonné s'il meurt sur le shirk sans se repentir avant sa mort. Et il dit le verset 48 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne à qui il veut tout autre péché moindre que le shirk. Et donc, ça veut dire que le reste des péchés que quelqu'un commet, autres que le shirk, sont sous la volonté d'Allah. Soit, s'il veut, il va leur pardonner, ou soit, s'il veut, il va les châtier pour ces péchés-là. Donc, on va s'arrêter, nous, aujourd'hui, pour ça, ici. Et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah, vendredi prochain, la suite de ce charh, Inch'Allah. Donc, vous allez voir, il est vraiment bénéfique, il est vraiment intéressant. Surtout quand les autres cours, les 5 premiers cours vont être ajoutés dans le site, vous allez pouvoir les suivre et écouter les premiers cours. Vous allez voir, mashallah, il est vraiment bien clarifié, bien expliqué. Et il y a plus d'explications que pour le charh de Cheikh Ibn Baz, qui est un résumé. Le charh de Cheikh Ibn Baz, c'est un charh qui est résumé. Donc c'est un bon rappel, mais étant donné qu'on avait déjà fait un résumé de Kitab al-Tawhid, l'explication de Cheikh Al-Fawzan, donc je pense que c'est bénéfique de faire un peu plus détaillé maintenant. Puis dans l'avenir, on verra si on ne pourra pas en faire un autre. Aussi, celui de Cheikh Al-Fawzan, Ibn Uthaymin, il est vraiment, vraiment intéressant aussi. Donc on verra plus tard qu'est-ce qu'on pourra faire. De toute façon, le tawhid, il faut le reviser toute notre vie. Hein? On n'a jamais terminé de le reviser. Et je me rappelle d'un cheikh qui enseignait à Al-Masjid al-Nabawi à l'époque. Et je crois que son nom c'était Abdul Aziz al-Subayl. Et le cheikh, il faisait que enseigner Kitab al-Tawhid. Il faisait que enseigner Kitab al-Tawhid. Il commençait, puis il le recommençait aussitôt qu'il avait fini, à chaque fois. Na'am. Et, mashallah, il y a les cours de son charh qui sont enregistrés au Masjid al-Nabawi. Et je crois qu'ils sont même disponibles sur le site de Masjid al-Nabawi en arabe. Et ils sont vraiment intéressants, vraiment bénéfiques. Je pense même que ce serait bien si on aurait pu les retranscrire pour les publier même, parce que vraiment intéressant. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.